Nathalie Moulin, Zéro Faute, Le Secret de l'Étoile. Denis Christelle Sassou, Wanandéa. Hugues Golondelé, Monsieur le Maire. Sensation d'amour, la plus mortelle. Les oreilles, regardez, yo. Tenue dans mon anatomie. Verticalement, tout y a précision. Un problème, t'es chéri, potolimana. N'oublie pas, t'es va-et-vient. Mais t'es ma fille, ma charme. Pour ma pina, je vois 14. Prestation d'amour la plus mortelle. Et ben y'a la koufaka. Caca n'a trois coups de balle. Bézé Nathalie, comme un coup d'envoi. Atala caca l'oté. Soki yazako dégusté. Nzato nanga ezagayo. Soki pe évangile. Wananga la kouma croyant. Olivia Bumba. Kataï, kataï, bébé. Katia Bumba. Pari, pari, kataï, chéri. Chantal Pembe Habita. Doris Pembe Lemla. Louise Kato Michapoué. Rigoya Chayenne est active. Oye, aïe, baka. Superficie en zotonangaï. Est-ce que vous avez la licence animale? Pour y aller au gourmandise, vous allez presque bestial. Cyril Tati. Nathalie Moulin, Yamonandia. Tango nabima kana butu sans cook your music. Sang on a new mark, I wish you can smoke your bring away. Abel Nino Ishimel, Dani Bayaka, Nico Mokou.